Dis-moi, Mozart, qu'avais-tu dans tes doigts pour faire de ta musique un paradis de fleurs? Dis-moi, Mozart, quand tu étais chez toi, que tu improvisais, que ressentait ton cœur? Pour sûr que tu voyais la vie autrement que ces gens, autrement que ce monde. C'est vrai, du moins on me l'a dit, que tu parlais au vent quand les nuits étaient chaudes. Dis-moi, Mozart, que faisais-tu tout seul à des heures impossibles devant ton vieux piano? Dis-moi, Mozart, quand les notes s'envolent, peut-on les retrouver pour en faire des chansons? Mozart, je ne t'ai pas connu, mais je suis ton ami, j'écoute ta musique. Pour moi, toujours tu as paru une raison de vie, comme un être magique. Dis-moi, Mozart, où allais-tu chercher tous ces milliers d'accords qu'on joue dans les palais? Dis-moi, Mozart, me faudra-t-il tomber jusqu'au pied de ta croix pour trouver tes secrets? Mozart, tu t'en vas pour toujours, ici-bas on s'ennuie de te savoir si loin. Pourquoi a-t-il fallu un jour que Dieu prenne avec lui le plus grand musicien? Mozart, tu t'en vas pour toujours, ici-bas on s'ennuie de te savoir si loin.